La Chine par son histoire. Bonjour et bienvenue à la 10e émission de Prendre la Chine par son histoire. Carl Derry au microphone et je suis très heureux de vous accueillir à nouveau sur nos ondes. J'en profite aujourd'hui pour souhaiter une bienvenue toute particulière, comme c'est la journée porte ouverte à l'UQTR, à tous les futurs étudiants et étudiantes qui se promènent aujourd'hui sur le campus. Nous poursuivons cette semaine avec la présentation thématique de nos cinq éléments. Mais comme vous avez pu le constater la semaine dernière, nous avons eu un petit problème technique. Problème qui a fait en sorte que nous ne pouvions pas utiliser de pièces musicales pendant l'émission. Le problème a été maintenant corrigé et nous sommes en mesure de présenter aujourd'hui les pièces musicales qui étaient prévues la semaine dernière. Et comme celle-ci s'harmonisait très bien avec le thème du bois, c'est à nouveau le thème qui est choisi pour la journée. Nous disions donc, si vous vous rappelez bien, au sujet des cinq éléments, tels qu'ils sont proposés par le classique des documents. Après le feu, c'est le bois qui vient en troisième. Le bois, c'est un peu le symbole de la nature et de l'environnement. Et je pense que ce n'est pas de mauvaise chose d'en parler à nouveau cette semaine, puisque c'est un aspect de nos vies qui se fait régulièrement damer le pion dans l'actualité, en termes d'importance, par des préoccupations qu'on dit plus terre à terre. Mais soyez rassurés aujourd'hui, il n'y a aucun sujet de l'actualité qui va venir damer le pion à notre thème du bois, puisque nous allons commencer l'émission en omettant tout simplement de parler de l'actualité et en allant tout de suite à notre récit historique, qui avance d'ailleurs bon train et dont la structure commence à prendre forme. En fait, nous sommes déjà rendus au quatrième chapitre de notre histoire de Chine à dos de tortue et nous allons nous y lancer subito presto. C'est un chapitre qui couvre une très vaste période et celle-ci va ensuite nous préparer à compléter la première partie de notre récit historique lors du chapitre suivant. Comme mentionné lors de notre deuxième émission, l'histoire de Chine que nous présentons ici est divisée en trois grandes parties. La première partie porte sur la Chine ancienne que nous situons entre les origines de la civilisation chinoise jusqu'à la fin du 10e siècle, ce qui correspond à la fin de la dynastie Tang. Au cours de ce quatrième chapitre qui s'amorce aujourd'hui, nous allons donc couvrir une très vaste période historique qui s'échelonne entre la dynastie Han et la dynastie Tang, soit pour une période d'un peu plus de 1000 ans d'histoire. Au cours de ce chapitre, nous aborderons dans un premier temps l'expansion territoriale de la dynastie Han et nous verrons une facette particulière de son histoire, soit la relation entretenue avec les populations de l'Asie intérieure et plus spécifiquement les Xiongnu. Nous parlerons ensuite, au deuxième point, de la chute de la dynastie Han et surtout de la dynamique de fragmentation politique et territoriale qui s'ensuivit. Fragmentation territoriale qui s'échelonna sur plusieurs siècles. Par la suite, plutôt que d'énumérer toutes les successions de dynasties qui émergeront au cours de cette période de fragmentation intense, ce qui donnerait au total une dizaine de dynasties pour la seule période qui va du 3e au 6e siècle, nous allons plutôt poursuivre directement en allant vers les dynasties Sui et Tang qui, à partir du 6e siècle, contribuèrent à une réunification territoriale du domaine politique chinois. Finalement, comme dernier point de ce quatrième chapitre, Après avoir glissé quelques mots sur les facteurs ayant contribué à cette réunification, nous verrons la manière dont celle-ci contribua de manière significative au rayonnement de la civilisation chinoise. Il s'agit donc d'une vaste période au cours de laquelle nous voyons, dans un premier temps, les acquis de l'unification impériale volés en éclats. Puis, dans un deuxième temps, les morceaux, si l'on peut s'exprimer ainsi, se remettre ensemble graduellement. En fait, le processus d'unification de la Chine impériale, au sujet duquel nous avons tant parlé au cours des dernières semaines, dura au fin mot pratiquement 6 siècles, soit un processus couvrant l'étendue des dynasties Qin et Han, du 3e siècle avant notre ère au 3e siècle de notre ère. Après coup, et ce sera l'objet du chapitre qui s'amorce aujourd'hui, la Chine entre dans une période de fragmentation de l'unité territoriale, alors que défilèrent toute une série de royaumes et de dynasties qui rivalisèrent jusqu'à ce qu'un nouveau processus d'unification vienne à prendre corps et à se concrétiser au 6e siècle, soit à partir des dynasties Sui et Tang. Mais avant de plonger dans le détail de ce 4e chapitre, on va tout de suite commencer par honorer les pièces musicales qu'on était supposé entendre la semaine dernière. Et bien sûr, parlons un peu de notre thème du bois. Je commence avec le bois, à partir de l'image de la forêt, si précieuse à nos territoires, non seulement en termes de ressources, mais aussi comme un témoignage de la richesse de notre biodiversité. Par contre, si je commence en parlant de la forêt, c'est surtout parce qu'il s'agit du meilleur endroit. Si on veut prendre une pause du brouhaha de nos quotidiens et qu'on veut se retrouver dans un profond silence, un silence si vaste qu'il nous permet même parfois d'oublier que des grandes puissances sont en train d'essayer de jouer sur notre dos le sort du monde au-dessus de nos têtes. Le bois, les arbres qui poussent, sont là, tout simplement, silencieux, majestueux, lumineux. La forêt est un lieu de miséricorde. C'est une source d'inspiration qu'on écarte trop souvent de nos vies, en bordure de nos quotidiens, un endroit sauvage qu'on voudrait domestiquer, un rêve qu'on cherche bien souvent à emprisonner, dans le langage des bilans comptables et des tableaux Excel. La première chanson que je vous propose aujourd'hui raconte l'histoire d'une solitude intérieure, de laquelle on ne peut se départir. Une solitude qui se veut l'écho d'une profonde tristesse et qui met en scène l'expérience méditative de cette grande découverte que nous faisons au fond de soi. Et cette grande solitude qui nous ravit de sa splendeur à chaque fois qu'elle nous frappe, elle existe en nous comme un royaume sans fin, qui nous fait voir à quel point la nature profonde est magnifique. Et cet état de grâce intérieure, on le ressent un peu comme si on se retrouvait seul à contempler le monde au milieu d'une immense forêt, pleine de transformations invisibles, la grande forêt de la vie. Voici donc une chanson qui illustre la beauté de cette profonde solitude. La chanson s'intitule « Wu Qi », interprétée par Guangtou Huaxia. Sous-titrage Société Radio-Canada 谁在立秋之后时常来叩门？若从其一生，人为情所困，宁愿开始就只一个人。清晨一盏灯，照亮了前程。谁在大事之前一手来赶针？若心有余温，从不感觉冷。虽然最终都还一个人，前路漫漫雨纷纷，谁在痴痴等？忍起心头千般恨，不做负心人。若爱得越真，就陷得越深。断了缘分，就只剩离分。春一盏灯，照亮了前程。谁在大事之前一手来赶针？若心有余温，从不感觉冷。虽然最终都还一个人，前路漫漫雨纷纷，谁在痴痴等？忍起心头千般恨，不做负心人。若爱得越真，就陷得越深。断了缘分，就只剩离分。回程无期也无声，回头也无人，只闻身后一阵阵莫名的心疼。若许有来生，你是否虔诚？苦守一生，只为他转身。若许有来生，你是否虔诚？苦守一生，只为他转身。只是今生劝你别再等。 Nous sommes de retour à l'antenne de Prendre la Chine par son histoire et nous sommes prêts à commencer le premier point de notre quatrième chapitre, un point qui s'intitule « Les Xiongnu et la menace de la steppe ». Quand on observe l'histoire de la Chine dans la longue durée, on constate que la civilisation chinoise a évolué à partir d'une représentation concentrique du monde, avec au cœur de celle-ci la relation entre les barbares et les Chinois. Depuis les origines, l'expansion et le développement de ce qui peut être considéré comme la culture, la civilisation, le pays ou l'empire a suivi la trame d'un processus dialectique, s'appuyant sur la rencontre avec ceux qui étaient qualifiés de barbares par les habitants de la fleur centrale. De manière générale, on décrivait cet encerclement de la Chine par des populations de barbares à partir d'expressions comme « les barbares des quatre horizons »,« si », ou encore cette expression classique reprise régulièrement à travers l'histoire, disant que les Man sont au sud, les I à l'est, les Di au nord et les Zhong à l'ouest, soit Tong Yi Si Zhong Nan Man Pei Di. N'oublions pas que la Chine, China, Chungguo, en tant que concept politique servant à désigner un pays de manière formelle, a commencé à exister seulement à partir de la ratification du traité de Nerchinsk en 1689. Avant cette date, le concept Chungguo sert plutôt à exprimer une représentation concentrique de la civilisation, marquant la séparation entre les Chinois et les barbares, et de cette réalité fondatrice, deux conséquences importantes sont à tirer. D'abord, tout au long de son histoire, la Chine s'est nourrie, s'est diversifiée et s'est enrichie de la relation soutenue entre les populations du centre politique et celles vivant dans les marges, favorisant une dynamique d'acculturation identitaire continue. Les populations vivant dans les marges de ce Chungguo doivent être vues comme des intermédiaires, des passeurs de culture entre l'intérieur et l'extérieur. À titre d'exemple, on peut citer le char, le cheval, le miroir, le fer et les perles pour montrer comment la civilisation du centre s'est grandement enrichie des produits qui venaient de l'extérieur. La deuxième conséquence de cette vision concentrique du monde qui se trouve au cœur de la civilisation de la Chine nous suggère que, même si la dichotomie entre civilisation et barbare semble immuable, l'identité des populations impliquées a été changeante, pleine de fluctuations et de variations à travers l'histoire. Si on revient à la dynamique d'unification impériale que nous avons abordée précédemment, on a vu que le royaume de Qin, qui a fondé l'Empire en 221 avant notre ère, était surtout préoccupé par une politique d'unification des principautés, Guo, du territoire associé à la fleur centrale, Huaxia, ce qu'on appelle Chungguo. Pour sa part, la dynastie Han mit rapidement en place une politique expansionniste, visant surtout les régions du sud-est et celles du nord-ouest. Cette politique expansionniste eut pour conséquence l'intégration régionale de populations qui étaient initialement culturellement distinctes, établies dans le sud, ainsi que le développement et le renforcement de réseaux d'échange avec l'étranger. Pour ce qui est de la région plus au sud, on trouvait dans les environs de l'actuelle ville de Kunming, le royaume de Tian, un royaume qui a été conquis en 109 avant notre ère par la dynastie Han. Or, des fouilles archéologiques récentes, dans la deuxième moitié du 20e siècle, ont révélé l'existence d'une économie agricole très prospère qui s'était développée dans la région au point d'être une véritable plaque tournante au sein de réseaux commerciaux dynamiques qui reliaient entre elles les régions du Sichuan, du Guangdong ainsi que de la Birmanie. Toujours dans la région du sud, mais un peu plus à l'est, les Han ont aussi fait la conquête du royaume de Min en 110 avant notre ère, un royaume peuplé de pêcheurs de l'ethnie Yue, établi tout au long des côtes, entre l'actuelle province du Fujian et le Vietnam. D'ailleurs, L'intégration de la région du Guangdong par la dynastie Han permit à la Chine d'étendre son influence en Asie du Sud-Est, ainsi que dans la mer de Chine et l'océan Indien, développant ainsi des relations commerciales avec de nombreux pays, incluant le Cambodge, Java, Sumatra, l'Inde et même l'Iran. Cette augmentation des échanges économiques dans les mers du Sud permit à la Chine d'importer davantage de produits et de plantes exotiques, à commencer par le jasmin. Au nord et à l'ouest du territoire de la Chine, la situation était quelque peu différente et les problèmes de la steppe constituaient une véritable obsession pour les empereurs à l'époque des Han antérieurs. Au sein des populations altaïques, on y retrouvait toute une gamme de peuples, de diverses origines et issus de différentes familles linguistiques. Des peuples qui coexistaient et qui étaient répartis en de très nombreux groupes culturels distincts, incluant des proto-mongols, des populations turcophones, des tongouzes et des tibétains. À l'époque qui nous intéresse, soit durant les premiers siècles de la dynastie Han, ce sont les Xiongnu qui occupent le devant de la scène, une population d'origine proto-turque. Les Xiongnu ont longtemps été confondus avec les Huns, qui ont profondément marqué l'imaginaire européen à une époque ultérieure de l'histoire, ce qui a engendré de nombreuses confusions et des erreurs d'interprétation à leur sujet. Par ailleurs, les Xiongnu n'ont laissé aucune source écrite. Donc, ce qu'on connaît de leur histoire nous vient principalement de ce que leurs ennemis nous en ont dit, en l'occurrence, les Chinois dans le cas présent. On sait que les Xiongnu ont formé un empire au 3e siècle avant notre ère, en s'appuyant sur une confédération de tribus située principalement dans la région du bassin Tarim. À la tête de cette confédération, on retrouve Motun, qu'on appelle parfois Mautun ou Motu, et ce dernier prit le titre de Shanyu. Alors qu'il contrôlait les oasis et les accès aux réseaux commerciaux de la région de Lili, les Xiongnu s'imposaient comme des intermédiaires obligés à la jonction de nombreux échanges commerciaux entre la Chine et l'Asie intérieure. En 200 avant notre ère, les Han lancèrent une offensive militaire qui comprenait environ 300 000 soldats dans la région. Et cette entreprise militaire se solda par un échec face à une armée plus nombreuse lors de la bataille de Pingcheng. Bataille au cours de laquelle on dit que l'empereur Han Gaozu, dont nous avons déjà parlé, fut même fait prisonnier. Cette importante défaite militaire de la dynastie Han mena à la ratification d'un traité de paix et d'amitié entre les Han et les Xiongnu en 198 avant notre ère. Le traité fut signé entre des États frères qui acceptaient de vivre chacun de leur côté de la muraille, et le traité s'appuyait sur une politique d'alliance matrimoniale et d'apaisement, une politique qui se nomme He Qin. Dans le cadre de cette politique, une princesse chinoise fut donnée en cadeau au Chanyu et des cadeaux annuels furent aussi envoyés sous forme de tribus de la Chine vers les Xiongnu, incluant des soieries, de l'alcool, du riz et de la monnaie de cuivre. Au total, le traité d'amitié fut réitéré à 9 reprises entre 192 et 135 avant notre ère, et cela dura aussi longtemps que la dynastie Han se trouvait en position de faiblesse militaire face à son adversaire, aussi longtemps que la dynastie Han avait besoin d'acheter la paix. Par la suite, entre 128 et 119 avant notre ère, on assista à un affaiblissement de la Confédération des Xiongnu et à une augmentation des visées expansionnistes des Han, qui voulaient contrer la prédation des nomades et surtout mettre fin à la politique de coexistence pacifique qui coûtait très cher au trésor impérial. Au cours de cette période, les Han mirent sur pied 5 expéditions militaires menant à l'éclatement de la Confédération des Xiongnu. Par la suite, les Han furent en mesure d'établir des postes frontaliers, avancer le long des routes commerciales qui menaient vers l'Asie intérieure, comme le poste avancé de Tuen Huang, établi en 111 avant notre ère, ainsi que des colonies militaires dans la région du Gansu. Mais laissons pour le moment la question de cette expansion militaire, et il est temps de se tourner tout de suite vers la prochaine pièce musicale, dont l'instrument s'imposait pratiquement de lui-même. Puisque le thème de la journée est le bois, la flûte me paraissait un choix d'instrument incontournable. Je vous laisse donc avec une pièce jouée à la flûte de bambou qu'on appelle Xiao. La pièce est intitulée Liang Xiao Yin, ce qui signifie une douce soirée. Voici donc la pièce Liang Xiao Yin jouée à la flûte et nous, on se retrouve après la pause.